Exercice 12, page 89. Prisonnier dans la jungle de Bornéo, racontait l'expédition d'une infirmière à l'autre bout du monde. Mon héroïne était une infirmière dans un hôpital de banlieue.